Voici Guillermo Guise. Ça va les amigos? Ouais. Très bien. Ah, vous me connaissez, autant en journée, je suis un type formidable. Autant la nuit, tu me touches pas avec un bâton. Hein. Vraiment, regardez mon tatouage, Chlamydia Humanum Est. C'est le slogan de mon projet de MST Solidaire. C'est parrainé par Benjamin Biolay, qu'on salue. À propos, vous avez vu que 17 établissements avaient été fermés au Cap d'Agde, dont ouais. seulement 4 appartenaient à Daniel. Le pauvre, il se baladait nu ce matin dans les couloirs avec un masque agrafé au prépuce. Vraiment, ah bah tu le retires. Agde, comment il fait avec son amour de l'exhibition ça. Alors, c'est chaud. Hein. Dans l'Hérault, vu la circulation active du virus, le préfet vient carrément d'interdire de danser ouais. dans les bars et dans les lieux publics. Ça donne pas envie de crever dans une émission de Denis Brogniard. Franchement, autant l'obligation de porter un masque en rue. Allez, c'est plus embêtant en Italie, je trouve, où les gens sont beaux. Mais en France... ça rend service, honnêtement, ça rend service. Je sais de quoi je parle, je viens d'un pays qui n'a pas un physique facile. Hein, en Belgique, on nous a imposé le masque intégral. Les gens se cognent sur les poteaux, ça fait plus de morts que le Covid. Quoi. Vraiment, n'empêche, ça commence à saquer quand même fort dans les libertés, là, non? Je sais pas, enfin, Sapiens a toujours dansé. Moi, je viens de relire le fameux ouvrage de Robert Badinter, Une vie à essayer de faire du breakdance, où il explique qu'il a mis 80 ans à faire un two-step un peu correct. Et ben, il disait que danser, c'était l'une des deux libertés fondamentales de l'homme, avec le supplément huile d'olive sur la burrata. Et empêcher de danser. C'est une étape symbolique forte, quoi, empêcher de danser. Enfin, danser, c'est l'expression de soi. Moi, j'arrête pas de m'exprimer par le biais de la danse. Genre, je suis dans une boulangerie, je suis content de ma baguette tradition. Dirais que je fais un French cancan. Voilà, je fais un 22 fois, je me suis déchiré les ischios. Vraiment, on m'appelle Claquage Man à la Maison du Pain. Vraiment. Pareil à la cantine de Radio France. Un jour, c'était frais. J'étais trop content, j'étais ému. J'avais fait un twist avec Leïla, je me rappelle. Ça s'est terminé en battle. Nicolas Demorand, il avait fait un mambo avec Léa Salamé et tout. Franchement, Laurence Bloch, elle avait twerké en mode bounce, bounce. Comme... Franchement. Pareil à la cantine de... C'est vrai, c'est tendu. Je trouve pas c'est tendu l'image. D'interdire ce petit bonheur de danser aux gens. Et je prêche pas pour ma chapelle. Moi, je suis pas un grand danseur. Honnêtement, quand je zouk, on dirait que j'ai des attelles. Vraiment. Les gens, ils me font danse, Forest. Je danse mieux assis. Non, assis, je danse. Ah, je suis Justin Timberlake, tu vois. Quand je suis debout, je suis Jean Castex. Vraiment. Il y a des machines à coudre qui dansent mieux que moi, vraiment. Mais pour autant, ça me manque de danser et de faire danser les gens. Moi, j'ai été DJ. Encore un point commun. Avec Nagui. Oui, c'est vrai, comme quoi au début on pensait qu'il n'y avait que la cocaïne, mais en fait on a plein de trucs à partager. On se voit pas assez, Nagui. Allez, c'est con. Qu'est-ce que vous faites pour Nouvel An? Ils tirent la langue en ce moment, les DJ, non? Vous trouvez pas? Enfin, ouais, c'est une profession complètement oubliée. Ouais, c'est oublié complètement. Ouais. T'entends jamais Emmanuel Macron a reçu une infirmière, un virologue et Bob Sinclair. Jamais. Jamais. Bah, ils sont morts dans le film. C'est compliqué. Ils vont devoir dégoûter les gens de danser. Vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, si la situation se pérennise, le métier de DJ, ça va devenir autre chose. Hein. Ça va devenir genre à un moment, il a mis un de ses remixes du Bolero de Ravel. Oh, à 11 BPM, les gens étaient calmes. Putain, DJ Lexomil, il est trop fort. Blague à part, vous savez combien d'emplois sont menacés dans le monde de la nuit? Non. Moi non plus, mais j'aurais pu chercher vraiment, et ça s'est joué à rien, un peu de volonté, un coup de fil à Jean-Roch. Mais c'est curieux, hein, c'est que ça m'ait autant marqué cette histoire d'intégration, danser dans les rôles. Je crois qu'on a tous nos petites limites avec les mesures liberticides. De toute façon, moi je veux bien vendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger, puisque tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de danser. Allez, bonne émission. Oh là là, que d'auteur. France Inter, Nagui, la bande originale. Merci Guillermo.